Vous écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir à tous, je m'appelle Jean-François Lusignan, bienvenue à l'émission Le Terminus, une émission dédiée au rock indépendant, rock alternatif, shoegaze, grunge, etc. On est lundi le 7 avril, avant-dernière émission, oui, avant la fin de la saison d'hiver, et bon, l'émission va prendre une petite pause pour l'été, donc il reste une émission la semaine prochaine. Ensuite, c'est mon ami Mathieu Saint-Jean qui prendra le relève pour les deux dernières émissions, et on se retrouvera par la suite en septembre prochain, un peu reposé, avec des nouvelles choses à vous faire entendre. On est également ce soir un peu la pré-soirée électorale de CISM, parce que dès 20h, on a une programmation spéciale pour le dévoilement et commentaire des résultats de l'élection provinciale qui avait lieu aujourd'hui. Donc, restez à l'écoute, ça va rocker avant la soirée électorale qui va se dérouler jusqu'à, je pense, 23h. On va commencer. Tout à l'heure, vous l'avez sûrement peut-être entendu sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, on devrait avoir Cloud Nothings en entrevue. On les attend. D'ici là, on va entendre de la musique. Ouais. Pour commencer, un band de Brooklyn s'appelle Boy Toy. Ils vont sortir un premier mini-album le 13 mai sur Papercut Records. C'est ça. On écoute une chanson qui s'appelle Shallow Town Boy Toy à l'émission Le Terminus. We'll be right back. Oh yeah, c'était les Torontois de Metz avec Rats, tiré de l'album Metz du même nom, sorti il y a déjà 2 ans. Et bon, donc c'est ça pour Metz. On va continuer avec de la musique maintenant d'un band de Détroit, ça s'appelle Proto Martyr. L'album Under Color of Official Right sort demain, le 8 avril. Ils seront d'ailleurs le 9 juin prochain en spectacle à Montréal, au Île Motoré, avec Parkett Carts et Tyvek. Ça s'annonce pour être un spectacle super intéressant à ne pas manquer. Donc 9 juin pour Proto Martyr. On écoute un des extraits de l'album Come and See de Proto Martyr sur les ondes du 89.3 CISM. Try to live defeated. My limbs and gave me le fil de fer de Barrasso, un nouveau groupe local formé d'anciens membres, entre autres de Dirty Tricks, qui était autrefois un groupe qui jouait en anglais, on l'aura compris. Et ben, pour l'instant, ils ont seulement deux chansons sur leur compte Bandcamp, Barrasso avec deux R, deux S, .bandcamp.com. Et également, encore des annonces de spectacle ce soir. En fait, eux seront en spectacle dimanche prochain, le 13 avril, au Underworld sur Sainte-Catherine, à moins que je me trompe. Et juste avant, Barrasso, c'était Plague Vendor avec Black Sap Scriptures. Et si vous avez aimé, eux aussi seront de passage à Montréal dans les prochaines semaines. En fait, c'est au Vans Warped Tour qu'ils seront en spectacle. Vous risquez pas de me voir là, donc vous pourrez peut-être même les voir si vous allez à ce festival-là. Plague Vendor. On va continuer avec un groupe punk surf de Brooklyn. Il s'appelle The Vandals. On écoute la chanson Strange Girls Don't Cry sur les ondes de CISM à l'émission Le Terminus jusqu'à 20h.

Now Herein the Cloud Nothings. On va maintenant entendre une deuxième chanson de leur nouvel album, la chanson qui s'appelle Just See Fear. On écoute ça à l'instant. Nothing's Just See Fear, et le groupe sera en spectacle ce soir au Il Motori en compagnie de Pleasure Leftists, un groupe Cold Wave de Cleveland, tout comme Cloud Nothings. Également, première partie, ben, les héros locaux Solids qui seront, je pense, à leur troisième spectacle en une semaine à Montréal, mais c'est pas grave, toujours très bon en spectacle. Puis je vous rappelle que le groupe a pas pu se présenter ce soir, donc on a quand même fait tourner deux chansons de leur nouvel album Here and Nowhere Else qui se retrouve sur le palmarès de CISM. On continue maintenant avec quelque chose en français. C'est Alec et les mauvaises raisons de son album Ma plante s'est jetée du troisième, un album très dépressif. On écoute la chanson qui ouvre l'album, Le cycle. Tout ça sur les ondes de CISM, le terminus. Le cycle des choses a fait que tu as une vie. Qu'est-ce que tu comptes en faire? Dis que tu es mal pris, que tu es incompris. Mais regarde-toi un peu là. Hommage à tes ancêtres, tu te prends la tête. Tu aurais dû m'inviter. Un reportage sur les coureurs du 100 mètres. J'aurais vraiment dû t'inviter. Un cendrier, une descente, c'est l'insuffisance. La raison d'y perdre sa place. tu ne sois pas de la conception. Dis-moi c'est ce que nous savons. de l'album Cosmos qui vient de paraître plus tôt cette année. C'était Yellow Ostrich avec Shades. Et juste avant, on avait entendu Alec et les mauvaises raisons avec Le Cycle, une chanson qui remonte à 2007. On continue maintenant avec du American Analog 7 qui ne sont pas officiellement séparés, mais leur dernier album remonte à 2005. Et pour nous donner encore plus d'indices que le groupe s'est peut-être séparé ou qu'il ne se passe pas grand-chose, en 2009, ils ont sorti une compilation de singles et de raretés qui couvre la portion de leur carrière de 2000 à 2005. Ça faisait suite à une compilation qui était sortie qui couvrait la période précédente. Donc, album compilation qui s'appelle Hard to Find, duquel on va entendre une chanson qui s'appelle Make It Take It. Et ce sera suivi d'une formation, je crois, montréalaise. En tout cas, ils sortent un album bientôt sur le label Constellation. Cette formation qui s'appelle Hout. Formation vraiment à surveiller. Donc, mais on commence avec des American Analog 7 Make It Take It sur CISM 89.3. What you make it. it, but it doesn't heal you and it doesn't make you smile. And is there something you try to express there? Is that what you need it? Is that you need it? And is there something you try to express yet? And you can't get on without it. And you can't get on without it. Is there a way that you try to unload it? But you just can't get it. You can't get it off now. And when you get it, Habit de la formation montréalaise Hot. Je ne sais pas si je prononce bien. En fait, vous irez voir sur le site de Constellation Records pour trouver l'orthographe précis. Dans tous les cas, ben, le groupe sort un album, lui, le 29 avril prochain, donc sur Constellation. Album intitulé More Than Any Other Day. Peut-être, c'est ça. Ce sera peut-être une journée différente ce soir, parce que, oui, soirée électorale à CISM, dans quelques instants, ça va débuter dès 20h. Restez là, les animateurs de CISM, plusieurs animateurs seront là pour commenter, dévoiler les résultats en direct du studio où je me trouve actuellement. Et sinon, pour revenir à Hot, ils ont un spectacle également le 29 mai prochain au Turbo House avec Fête Nat en première partie. Donc, à ne pas manquer également dans toute cette liste des spectacles que j'ai annoncé ce soir. Il y en a beaucoup, c'est le printemps. Les groupes sortent de leur tanière, ils ont composé de la musique, ils veulent nous la présenter. On est là pour l'écouter. Sinon, on va se quitter avec de la musique instrumentale, la formation The Appleseed Cast, la chanson Ceremony. Je vous invite à visiter le site de CISM, cism893.ca, dans quelques instants pour retrouver la liste des chansons que tourner. Également, les archives sur leterminus.ca. Et encore une fois, bon, on était supposé avoir Cloud Nothings, finalement, ils ne sont pas pu être là. Ils ont un spectacle également, eux, ce soir, au Il Motoré, avec Solids en première partie. L'autre groupe, je viens de voir sur les réseaux sociaux, ils ont cancellé. Donc, seulement Solids et Cloud Nothings en spectacle ce soir. La semaine prochaine, dans deux semaines, ce sera Mathieu Saint-Jean qui va me remplacer pour les deux dernières émissions de la saison. Donc, on est ensemble la semaine prochaine pour la dernière émission avant les vacances d'été. Bon, j'ai assez parlé. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Et on se reparle donc lundi prochain, 19h, pour le Terminus. Ciao! Est fier de présenter Rookie, le premier album solo de Catherine Leduc en magasin et en ligne dès le 8 avril. Joignez-vous à nous lors du lancement à Montréal qui aura lieu le 9 avril à la Sala Rossa. Un joyeux 5 à 7 avec une courte prestation vous attend. De plus, c'est gratuit et ouvert à tous. Visitez grosseboîte.com pour plus de détails. Et le jeune et le moins jeune, tu es au courant qu'il existe un nouvel antidépresseur sans frais? Oh, que tu en as besoin, mais tu te demandes, quel est-il? C'est facile pourtant, car il t'est offert gratuitement tous les vendredis matins de 7h à 9h. Oh, que c'est la magie de MCG! Yes! Du plaisir, de la joie et surtout de la bonne musique du terroir d'ici et d'ailleurs. Prescription et rendez-vous, vendredi 7h. En tout cas, moi, Binorman Amour, on va être là. Soyez-y! Bombay Bicycle Club, le 4 mai au Théâtre Corona Virgin Mobile avec invité spécial Royal Canoe. Billets en vente maintenant via evenco.ca. Bombay Bicycle Club, le 4 mai au Théâtre Corona Virgin Mobile. Nouvel album So Long, See You Tomorrow, disponible maintenant. Ici Julien Boumard-Coallier, votre animateur à De fil en vinyle, l'émission Blues Rock qui se permet d'aller voir ailleurs. Petite fringale musicale, assurez-vous d'être au rendez-vous tous les dimanches de 16h30 à 18h sur CSM 89,3. Tu peux rester, pas de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips. T'entends? Des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Comment ça, un raccourci vers le bac? Parce qu'en suivant vos cours d'été, vous pouvez obtenir votre diplôme plus vite tout en ayant un horaire moins chargé à l'année. Suivre des cours d'été, une bonne idée. Plus d'infos à umontréal.ca. Pour oublier le passé et le futur, allonge-toi dans la fourrure. Écoute Dextropropogy Finsmack le dimanche à 22h sur CISM 89.3. Tiens, tu saignes encore un peu de l'oreille? Ça te dit d'animer à CISM? Eh bien, c'est le temps de déposer ton projet d'émission. Jusqu'au 11 avril, nous recueillons les candidatures pour la saison d'été 2014. Pas étudiant à l'Université de Montréal? Pas de problème, tout le monde peut animer à CISM. Pour plus de détails, visite notre site internet au cism893.ca. Tous les jeudis dès 19h, c'est la session live dans les studios de CISM. Le jeudi 10 avril, la session live reçoit Canaille. Préparez-vous.